the future. Levez les bouteilles et les glocks, levez les bouteilles et les glocks, levez les bouteilles et les glocks. J'suis dans le carré, je les fuck, j'suis dans le carré, je les fuck, j'suis dans le carré, je les fuck. Levez les bouteilles et les glocks, j'suis dans le carré, je les fuck. Levez les bouteilles et les glocks, levez les bouteilles et les glocks, levez les bouteilles et les glocks. J'suis dans le carré, je les fuck, j'suis dans le carré, je les fuck, j'suis dans le carré, je les fuck. Levez les bouteilles et les glocks, j'suis dans le carré, je les fuck. J'veux enculer le monde, lui mettre sa force. Les voisins se plaignent du bruit, oui et alors. Et alors, oui, oui et alors. Les voisins se plaignent du bruit, oui et alors. Si la beauté devait se définir avec un seul geste, ce serait conditionner de la cesse ou bien signer un gros chèque. Je me méfie des rappeurs, ces fils de Chola Jax. Je me méfie des groupies qui ont le trou de poil plus large que la chatte. Bizarre, très sévère, ciel, descendance prête à jaillir par milliards. Comme dans un crash en pleine jungle, j'ai dépouillé vos corps, tel un vulgaire pillard. Pas de plan A, tu me pars de plan B. T'as les plans de la queue, bon, j'suis opé d'emblée. J'parle jamais dans le dos, sauf pour dire à la mère de vos marmots de mieux se camper. Pété le double cheese, enfoiré, j'ai les crabos. Tous les coups de le cheese, j'suis le plus charbot, tous c'est les crabos. Suis-moi, tango, écho, uniforme, bravo. J'suis pas un maçon du cœur, j'vous baisse, j'vous laisse le cul en travaux. C'est le bruit de tes claquements de seuf qui nous fait office de caisse claire. Je suis que tu aimes détester, je suis à qui elle aime plaire. Le texte il est rital, le moteur est germanique. Faire du pif est vital, c'est des hautes aises maniques. Levez les bouteilles et les glocks, levez les bouteilles et les glocks, levez les bouteilles et les glocks. J'suis dans le carré, je les fuck, j'suis dans le carré, je les fuck, j'suis dans le carré, je les fuck. Levez les bouteilles et les glocks, j'suis dans le carré, je les fuck. Levez les bouteilles et les glocks, levez les bouteilles et les glocks, levez les bouteilles et les glocks. J'suis dans le carré, je les fuck, j'suis dans le carré, je les fuck, j'suis dans le carré, je les fuck. Levez les bouteilles et les glocks, j'suis dans le carré, je les fuck. J'ai de la peufra qui dit mieux, tire une feuille, fais une soufflette. Et ton ciel sera plus bleu que la techa de la soumfette. SQAD, ça te dérange? C'est moi qui fournis un chèque. Je vais te braquer, ça me démange. J'ai des fourmis dans la gâchette. Fumée d'amnésia épaisse. Le jour de la mort de Ned Dog. Obligé de sortir en laisse avec un 38 bulldog. Je fais des créneaux dans leur tâche. Depuis l'époque des vipères, moi elle me suit dans ma broche. Toi elle te suit sur Twitter. T'as eu l'écho, je peux te chasser. Faut que tu t'éloignes, tu me négo. Le flow est tellement beau qu'il est classé au patrimoine de l'UNESCO. Que les négros ne se trompent pas, ou ils vont longuement sucer. Absent lors de mes combats, je veux pas te voir lors de mes succès. Levez les bouteilles et les glocks, levez les bouteilles et les glocks, levez les bouteilles et les glocks. J'suis dans le carré, je les fuck, j'suis dans le carré, je les fuck, j'suis dans le carré, je les fuck. Levez les bouteilles et les glocks, j'suis dans le carré, je les fuck. Levez les bouteilles et les glocks, levez les bouteilles et les glocks, levez les bouteilles et les glocks. J'suis dans le carré, je les fuck, j'suis dans le carré, je les fuck, j'suis dans le carré, je les fuck.